2, 1, 2, 3, 4. Boum boum. Boum boum. Musique française, curieuse. Le quatrième mercredi du mois. De 21h à 23h. Sur Prune 92 FM. Musique française et francophone curieuse tous les quatrièmes mercredis de mois sur Prune 92 FM. Comment ça va, Jonas ? Ça va très fort ce soir, ça va très fort. Et toi, Vincent ? Mon petit circuit imprimé préféré. Oh, merci. Il faudrait que les auditeurs puissent voir ce t-shirt incroyable inutile. Que tu portes. Heureusement, notre émission n'est jamais filmée. Donc c'est très bien comme ça. Tout va bien, il n'y aura aucune preuve. On est de retour, effectivement, on le dit tous les mois. On avait l'habitude d'être là toutes les semaines pendant 8 saisons. Et cette année, c'est tous les mois. Donc on a vraiment l'impression qu'on est parti, qu'on revient à chaque fois. Et ouais, exactement. Faut qu'on prenne le rythme, tout simplement. Mais moi, il est pris, Vincent. J'ai l'impression que tu traînes un petit peu, toi. Hein. C'est vrai, je suis à la bourre. Je suis à la bourre, mais j'ai des invités cool à chaque fois. Évidemment. J'ai même des invités super cool à chaque fois. Et ce mois-ci, pour l'avant-avant-dernier podcast de notre 9e saison, on accueille un DJ, on accueille un producteur et on accueille surtout un globe-trotteur. Il a vécu 20 ans à Hong Kong. Il a déménagé à Nantes il y a 3 ans. Mais sa musique l'amène à voyager un peu partout dans le monde, encore aujourd'hui. Il a passé 3 mois en Asie tout récemment. Et puis bientôt, c'est l'appel de Bordeaux, de Paris et de Berlin qui va résonner. Coucou Romain FX. Bonsoir tout le monde. Tu vas bien ? Ça va très bien et toi ? Ça fait super plaisir de profiter de ta présence à Nantes. Mais merci de m'inviter. Pour t'accueillir dans les locaux de Prune, dans notre émission Boum Bomo. Ça fait 3 ans, je disais, que tu habites parmi nous à temps partiel, parce que ta musique, tes DJ sets et tes productions t'amènent à beaucoup voyager. Mmh. Et ça va bientôt se terminer en plus, la fois qu'on profite bien de ta présence. Ouais. Petit départ prévu à la fin de l'année. Cool. Est-ce que la destination est déjà connue ou oui, pas du tout ? Si, Portugal. Ok, un petit tour au Portugal après 3 belles années passées à Nantes. C'est ça, mais bon, je reviendrai assez régulièrement. Cool, t'as eu le temps de retourner tous les clubs de la ville. C'est bon, t'as fait le tour, tu peux aller voir tranquillement. Il y a encore plein d'autres choses à faire. Mortel. Plus que ces voyages, moi j'ai l'impression que c'est ton hyperactivité qui te caractérise. Je te cache pas que j'arrive pas toujours à suivre tout ce que tu sors, les compilations, les remixes, les édits. Est-ce que tu dors parfois, Romain, ou pas du tout ? Ça m'arrive parfois, ouais, mais pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Tu peux nous parler un petit peu de tes derniers projets ou de ceux qui arrivent, peut-être, parce qu'il y en a vraiment une multitude. On ne peut pas citer tout ce que tu fais dans la musique depuis 15 ou 20 ans. Je pense à un projet cool qui va se développer. Ça va être du coup avec ma radio qui s'appelle Fauve Radio, avec l'équipe aussi de Nantes et tout. Avec Thibaut, Youps et tout le monde. Et en fait, on fait un coucou à toute l'équipe de Fauve Radio. Gros bisous à tout le monde. Et en fait, on va se développer à l'international et on va avoir des équipes un peu partout dans le monde. Donc on aura 4 équipes en Asie et 4 équipes en Europe. Et l'idée, c'est de créer un sort de network entre nous pour pouvoir développer des soirées un peu partout dans chaque ville. Et ensuite, s'échanger les artistes s'ils viennent, ou même nous-mêmes jouer à droite, à gauche. Et ça va être sous un autre projet qui va s'appeler Fauve Raids. Donc le troisième projet de Fauve. Incroyable. Homme de radio, homme de club et homme de production aussi. Je parlais de tes édits et tes productions. Il y a des petits projets cool qui sont sortis récemment, qui vont sortir bientôt. Ouais, il y a un EP assez solaire qui va sortir sur un label de Berlin qui s'appelle Permanent Vacation. Un autre aussi sur Polari, le label de Cormac. Un deuxième qui va sortir et quelques nouveautés aussi. Ça, Jonas, dis-toi bien que c'est dans les jours qui arrivent, hein, parce que si on lui repose la question la semaine prochaine, il sera déjà parti sur d'autres albums, sur d'autres idées, sur d'autres compilations. Trop content de t'accueillir dans cette émission Boum Bomo, dédiée aux musiques françaises et francophones, ce qui n'est pas forcément le cœur de ta musique. Qu'est-ce que tu as prévu de passer ce soir, du coup ? La musique française. Ah, ça tombe bien, ouf, je suis un peu rassuré. Mais avec des petits twists et peut-être des surprises aussi. Et en fait, la musique française qui, pour moi, en fait, ça n'a pas de... Je ne connais rien de la musique pop française. Donc, en fait, toutes les digues que j'ai trouvées de musique un peu plus niche français, peut-être un peu plus expérimentale. Donc, il y aura du rock, psyché, il y aura plein de trucs différents. Mortel. Comme d'habitude, ça va être une pure surprise et un pur voyage avec tous nos invités. Ça se passe comme ça, un mercredi par mois sur Prune. J'ai pas encore parlé de la deuxième heure, je vais le faire très vite puisque ce sera moi, tout simplement, l'invité de la deuxième heure. Donc il n'y a pas besoin de me passer de la pommade dans le dos pendant 10 minutes. Romain Effix est avec nous jusqu'à 22h. Le premier morceau, tu te souviens de ce que tu as calé? C'est Jonas qui va l'envoyer. C'est du rap psychédélique, mais je me souviens plus du nom, c'est un nom assez complexe. On retrouvera la tracklist dès demain. En public, contact. Voilà, tu l'as. Voilà, je sais lire. La tracklist complète sera en même temps que le podcast en ligne sur le site de Prune demain ou après-demain. Moi, j'ai pas la productivité de Romain Effix, donc peut-être que ce sera même que la semaine prochaine. On verra. En tout cas, c'est sûr, tout sera en ligne sur le site de Prune très bientôt. Romain, tu passes aux platines. Jonas, tu peux envoyer le premier morceau. Romain Effix est derrière les platines de Boom Bomo pour la première fois. On est super content de t'accueillir. On te reprend juste à la fin du mix. À tout à l'heure. Ouais, il faut forcément qu'il y ait un petit blanc, un truc comme ça, sinon c'est pas une émission Boom Bomo, je te l'ai dit hors antenne. venant d'Ispahan dans un avion géant, un grand quotidien me racontait l'histoire d'un président tout noir que l'on connaît bien. Ayant un peu forcé sur le whisky anglais, le vol au vent, j'ai fait en m'endormant de Genève à Zagreb un rêve extravagant. Dans un monde à l'envers, je voyais notre terre d'un œil différent. Au son des Rolling Stones payés par un produit de grande consommation. De manifestations de Bastille-Nation dansaient sous des lampions. Sous un grand chapiteau crépitant de bravo, j'ai vu à Santiago un général souriant à coups de rosier blanc casser des barreaux. La photo d'un journal me montrait en oural un nouveau festival où 2000 écrivains descendaient d'un grand train venu du Kremlin. Dansant sur un fil, un méchant charlatan vendant de faux printemps un 1er avril. Au pays d'Haïti, un bébé roi de lait de 220 kilos fabriquait des cadeaux distribués à gogo par ses tontons gâteaux. J'ai vu les prétoriens d'un prince élyséen solder leur matraque près du quartier latin dans un vieux magasin de farce et attrape. Dans une île de fous près des taux à Moutou, des messieurs en blanc. Mariette en grand secret, une bombe glacée, un champignon blanc. Sous un feu d'artifice tiré à Bilbao, un certain Carlos tirait sur un Havane en jouant à l'armarelle avec un taureau. Quand j'ai ouvert un œil, mon voisin de fauteuil dans un quotidien lisait l'étrange histoire d'un président tout noir que l'on connaît bien. Jamais demandé. Je We'll be right back.

Je m'appelle Ish, n'ayez pas peur. On fera l'amour dans un bocal. Et vous verrez, c'est pas si mal. We'll be right back. Oh,

Romain FX dans Boom Bomo. Trop cool, d'habitude on applaudit, il faut qu'on applaudisse. Merci, merci. Ben, comme d'hab avec Romain FX, c'est carré, c'est pointu, c'est pro, c'est pile à l'heure, c'est mortel, tout est organisé. La tracklist, dès que j'aurai moi un peu moins bien organisé, mis tout ça sur le site de Prune, trop bien. Merci, merci à vous de m'avoir eu. J'avais beaucoup trop de musique à jouer. Mais... Ouais, c'est vrai, on était parti sur un all night long là, si on t'arrêtait ça. Pas. C'est ça. Trop, trop cool. On t'arrête pas vraiment d'ailleurs, on fait une petite pause et puis on repart avec un dernier morceau. Avant ça, avant que tu nous lances ton dernier morceau, une petite date à venir peut-être, une ou deux ou trois petites dates à venir. Ouais, il y en a plusieurs. Là, il y a Dijon ce week-end pour le Cirque Festival, pour le closing du festival, c'est un festival sur un mois. Ensuite, il y a Paris à Virage. Et les Douves Blanches aussi, qui vont arriver bientôt, à côté de Paris, dans un château. Quelques dates à Nantes, j'espère, ou dans les alentours, avant oui, que tu nous quittes pour le Portugal. Il y a une Gloria en juin. Oh. Ouais, le 11 juin. Trop bien. Ouais. Il y a des Glorias dans tous les sens en ce moment. Celle de dimanche, elle va être plutôt cool. J'ai l'incroyable chance d'y jouer. Je vais jouer sans doute dans ma sélection de tout de suite, puisque c'est moi qui prends la suite de Romain. Je vais jouer, je pense, quelques morceaux en teasing de la Gloria de dimanche avec la réouverture de cette deuxième salle Grace qui est bien incroyable. Toi, tu joueras dans la grande salle. Oui. Macadam directement. Oui. Ouh là là, t'avais déjà joué à Macadam ? Ouais, en ouverture. Donc là, je vais jouer une Gloria. C'est la première Gloria. Le 11 juin, on bloque la date. Il y a un dernier track avant que je passe au platine. Qu'est-ce que c'est que ce dernier track ? C'est un track cantonais parce que toi, ta spécialité, c'est la musique française. Moi, ma spécialité, c'est la musique cantonaise. Et en fait, cette track, très 90s et en fait il y a un sample à la fin qui est un sample français, donc c'est là où je voulais te demander genre est-ce que c'était jouable ou pas, mais en fait le sample de la fin est trop drôle et trop cool. Et il sort de nulle part et je trouve que ça marche. Allez, bien, cool. On écoute ce dernier morceau de Romain FX. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. On va se revoir, mais bonne route quand même. J'espère qu'on se reverra rapidement, même après cette fin d'année fatidique où tu vas nous quitter. Derrière, donc, après ce morceau, j'enchaînerai sans transition ou presque par une sélection. Je vais partir un peu dans tous les sens. Il y aurait une petite dédicace justement à toute l'équipe de Macadam et de Hometown là, qui ouvre son nouveau lieu ce week-end. Il y aurait une petite dédicace à Thibaut et Jimmy aussi, puisque je vais lancer mon set avec un morceau de Stella, cette chanteuse française qui a sorti un album incroyable. Elle sera en DJ set, je crois, et non pas en live, dès samedi soir. Son album est incroyablement produit. Je vais jouer le morceau Détends-toi, le dub. Là, je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Si, oh là là. Très bien. Et puis après, je jouerai un morceau de Christophe Laurent que mes colocs d'amour m'ont offert à mon anniversaire. Ils sont trop mignons. Oh là là, plein de dédicaces. Romain FX, un dernier track. Et après, je passe derrière les platines. On se retrouve pour la Gloria de dimanche, 16h-19h à Grace. Et on se retrouve pour la Gloria du 11 juin aussi avec Romain FX. Bisous, Romain. Bisous, merci les gars. Go high, 给智囊破开，冷得钢弹冲击来自热爱，有了是你令我心空不再空，我有了你梦里再不必有以忘，盼了半世跌进这火的爱海，等啊等啊等等我的心也不放开 ，Baby， 你的爱不断来， 浪未停定，浪又再，别令我期待。 Enchaîne cette deuxième heure de mix avec Aimé. Merci Romain FX pour la première heure et c'est parti pour la seconde. Ouais. Écoute un peu, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Thank you. passer des soirées à faire la fête et à s'aimer. On vivait chacun de son côté, c'était facile, on s'adorait. On s'aimait sur des lits d'emprunt, à l'hôtel ou chez des copains. C'était le jeu des amants fous, on faisait l'amour n'importe où. Et maintenant je l'attends tout le temps, je pense à elle évidemment. On m'avait dit que tout s'efface avec le temps qui passe. Mais j'attends, je l'attends tout le temps, et tant pis si c'est pour du vent. J'aimerais tant que d'autres visages m'aident à oublier son image, oublier son visage. Des chansons pour elle, ma muse à musique, c'était elle. Elle aimait la couleur jazzy de ma guitare qui jouait dans la nuit. Maintenant je l'attends tout le temps, je pense à elle évidemment. On m'avait dit que tout s'efface avec le temps qui passe. Mais j'attends, je l'attends tout le temps, et tant pis si c'est pour du vent. J'aimerais tant que d'autres images m'aident à oublier son visage, oublier son visage. my mind. Flashing lights exploding in my eyes. Feeling that I can't deny. Je m'encore l'amour avec toi. Donnez-moi ces soirs tous les trois. I feel this fire down inside of me. The pain where it shouldn't be. You know what I really need. Je m'encore l'amour avec toi. Donnez-moi ces soirs, tu dis-toi. Back another time. It's you I want inside, that's for sure. You know there ain't just no cure. Got a feeling just can't hide. It's you I want tonight, that's for sure. Give me shame. Thank you. Mira la Le son qui passe actuellement, on vous donne rendez-vous dimanche à la Gloria pour un mix d'aimé pour 16h-19h, voilà, j'avais pas les horaires, donc voilà, rendez-vous nombreux et nombreuses dimanche, on compte sur vous, c'est déjà presque complet, mais venez quand même, ça va être chouette. Bisous les petits loups, ciao ciao. Et le mois prochain, à Prune, on n'oublie pas, hein. Troisième mardi, quatrième mardi, troisième mardi, troisième mercredi, quatrième. Je fais tous les jours la semaine, quatrième mercredi, bien sûr, de chaque mois, de 21h à 23h, sur Prune, 92 FM. Et c'est reparti. Machine. I get up, I like a sex machine.